Tu en as mis du temps pour me répondre. Des jours et des semaines où soleil et lune se confondent. Toute ma force et mon courage n'auraient pas suffi si dans le bleu de ton regard je n'avais tout compris. Le temps d'une esquisse sur un tableau, une ligne pâle. Quand le rêve existe, il y perd de la nuit fatale. Et sur la toile, le dessin qui se lève, un visage renaît comme un nouvel espoir. Sur le lac bleu de nos pensées secrètes, émerge l'île de cette si divine tendresse qui, à chaque instant, nous prodigue ses caresses du temps et nous redonne à l'instant confiance. Tu en as mis du temps pour me répondre. Tu en as mis du temps pour me correspondre. Navire impassible sur l'océan des jours, il atteindra sans tarder le rivage sans retour. Quand dans notre sang bat le pouls du monde, à chaque seconde il nous réunit enfin. Tu en as mis du temps pour me répondre. Des jours et des semaines où soleil et lune se confondent. Toute ma force et mon courage n'y auraient pas suffi si dans le bleu de ton regard je n'avais tout compris. Du temps pour me répondre. Oui, tu en as mis du temps pour me correspondre.